Bonjour. Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Les gens sont pas heureux, ouais c'est la crise du siècle. Ils attendent tous un ciel bleu mais il est gris, tu sais. Dans nos pays nordiques, la dépression est courante. Non, je vois plus trop de sourires, car plein de monde est souffrant. Faut toujours avancer malgré les fautes par terre. Tu devras les enjamber sans regarder derrière. Même si ça craint, tu devras pas refaire ces mêmes fautes. On se donne la main et on se bat pour les mêmes causes. Non, ça c'est pas possible, tu rêves tout haut et en couleur. Même si on court après le bonheur, on n'a pas tous les mêmes douleurs et les mêmes soucis, on est tous différents. Certains coulent, d'autres avancent, deviennent fous tellement t'y penses. Mais jamais n'oublie, la joie de vivre, la sérénité ne sont pas éternelles. Une fois parti, faudra batailler pour qu'elles reviennent. Continue ta route, ouais je garde la tête haute. On m'a dit mon cousin, t'inquiète t'en verras d'autres. T'arrêtes pas en chemin, même si tu marches à côté de tes pompes, les souvenirs tu retiens. Jette les mauvais puis garde les bons, essaie d'avoir la frite, la banane et la pêche. Pas seulement que quand tu dises et que tu pédaves un gros pet. J'pense aux gens qui sont mal, ouais, ça te mettra du baume au cœur. Et surtout calcule pas, tous ces bâtards de gros moqueurs. Va jusqu'au bout de tes objectifs, évite les bâtons dans les roues. N'en oublie pas, ouais, sur ta liste, sois présent tous les rendez-vous. Faut garder le courage, même si tu crois que plus rien ne t'étonne. Essaie de tourner les pages, même si pour toi elles pèsent des tonnes. Mais j'te l'accorde, ça sera pas toujours évident. Détruit car corps, t'en auras dans ton existence, même si t'es pas bien. Continue ta route, malgré que ça te blesse. Ensuite vient la tristesse, même si tu comprends rien et que t'es dans le doute. Ne tombe pas dans la faiblesse et l'état d'ivresse. La vie c'est comme une boîte de chocolat. Tu sais jamais sur quoi béton, ça pue la merde ou ça sent bon. Et ouais l'ami, moi je me soigne avec des cônes larges. C'est sûrement pas la solution, dans ces spirales je suis comme un con. Mes frères, faudra toujours avancer malgré les obstacles. Faudra rien lâcher même si t'as mangé des grosses tartes. Des fois tu seras en bas, d'autres fois tu seras ravi. T'auras des hauts et des bas et des drôles de débats. Mes problèmes sont des montagnes que j'essaye de gravir. J'aurais aimé être simple, dans l'amour comme Forrest. Mais une histoire me rend dingue, oui je souffre, je suis vénère. Et j'en vois pas la fin. J'ai l'impression que c'est l'Everest. J'ai mangé le mauvais chocolat, la liqueur. Puis j'allais même arrêter, ouais là c'est maladie l'heure. La prochaine fois j'espère tomber sur le chocolat que je kiffe. L'histoire que ça colmate toutes mes cicatrices. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.